Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais encore un petit épisode bonus pour vous parler du livre 2030 glorieuses. Utopie vivante qui vient de sortir chez Actes Sud, dont je suis vraiment vraiment très fier. Ce livre, c'est la suite du livre Ça commence par moi, qui a été tellement bien accueilli et pour ça, pour toutes les personnes qui l'ont lu, et je suis sûr vous êtes nombreuses ici à écouter le podcast, je vous dis merci et ça fait longtemps que j'avais envie de vous offrir cette suite à la première personne, avec ce même ton, avec cette même transparence. Et pour tout vous dire, j'étais vraiment très fier d'avoir écrit le livre Ça commence par moi, qui est sorti en 2018 au Seuil. Je crois que je suis encore plus fier d'avoir écrit ce livre 2030 glorieuse dans lequel voilà, je me suis mis et on m'a mis aucune limite et j'ai pu vraiment aller explorer tout ce dont j'avais envie. Je suis vraiment, vraiment très fier de toutes ces théories que je propose, de ces perspectives que je dresse, de ce témoignage aussi que je fais de ma compréhension qui continue à être chaque jour remise à plat, questionnée, mais qui correspond, je pense, à l'urgence de notre société, celle de proposer de nouveaux imaginaires et de montrer que 2030 glorieuse, ça sera forcément une société avec plein de croissance. Là, on est en période d'élection présidentielle et donc ces imaginaires qui s'affrontent, les chocs sont parfois un peu violents et malheureusement, les sujets qui m'intéressent, les sujets auxquels je donne toute la place dans le podcast 2030 glorieuse sont encore trop peu présents des débats. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que ce livre puisse sortir à ce moment-là. Pour, à mon humble échelle, parce que je sais que face à tous les grands partis et aux candidats qui se présentent, je suis absolument rien, je fais pas le poids, je suis une petite plume face au vent. Et à la fois, j'espère que ce livre il vous servira de munitions supplémentaires pour pouvoir alimenter les conversations, répondre aux clichés, aux débats stériles. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en faire la lecture d'un tout petit passage, mais qui donne à voir, à mon avis, la singularité, l'originalité du livre, puisque je propose de partir en 2030 glorieuse à travers le gouvernement de demain, qui façonnerait la République du vivant. Je pense qu'on a besoin de changer la manière d'organiser notre société, qui passe par cette vision très normée, structurée du gouvernement comme il l'est aujourd'hui. Je vous en lis donc un passage. À chaque retour des 2030 glorieuses, les blocages de notre époque apparaissent systématiquement dérisoires, à mille lieues des enjeux environnementaux et sociaux réels. Et faire vivre ce déracinement onirique pour rendre visible l'insupportable et injustifiable immobilisme d'un présent prétendument inéluctable est un défi majeur. Aussi, quant à l'approche de l'élection présidentielle, les membres des partis politiques tentent une stratégie tactique de réunification au sein de Dream Teams, éphémère ou artificielle, je constate qu'à mon échelle, mon travail m'a déjà permis de toucher du doigt la plupart des grands enjeux de transformation de notre société. Finalement, ceux à qui je tends mon micro constituent, sans rougir, une bien belle équipe de rêve. Une équipe qui, elle, n'est pas hors sol, mais bien tout entière engagée dans l'expérimentation des alternatives viables pour demain. Une équipe qui donnerait du cachet à un gouvernement enfin tout entier tourné vers les objectifs de notre siècle. Un gouvernement qui saurait s'adapter pour répondre aux défis structurants de notre époque. À l'opposé des candidatures classiques qui mettent en avant une figure unique censée incarner le programme de transformation de toute une nation, je préfère proposer pour chaque ministère une équipe jeune et expérimentée, idéaliste et efficace, ambitieuse et rassembleuse. Ces faiseurs et faiseuses ont fait la preuve de la possibilité de transformer radicalement les rouages de notre société à une échelle locale, mais aussi parfois nationale, voire internationale. Ils appliqueraient donc leurs recettes et concertations avec celles et ceux qui agissent déjà sur le terrain, auprès des acteurs publics comme privés. Dans le gouvernement de notre nouvelle République du vivant, j'imagine un groupe constitué d'une myriade de spécialistes qui sauraient se répartir le travail et agir en plaçant l'intérêt du bien commun avant leur perspective personnelle. Forts de leur vécu, d'actrices et d'acteurs de terrain, ils auraient une vision précise et effective des mesures à mettre en place. Cette équipe de non-professionnels de la politique serait ainsi tout entière tournée vers sa mission, plutôt que de tomber dans le piège des rixes politiciennes et des guerres d'ego auxquelles s'adonnent les élus historiques. Je ne sais honnêtement pas si ces personnes ont des ambitions politiques pour les années à venir. C'est tout ce que je leur et je nous souhaite. Pour autant, je prends le risque de les proposer sans leur consentement pour former le gouvernement qui, selon moi, serait enfin à la hauteur des urgences écologiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés. Ce jeu de l'esprit que je vous propose est un pari. Nous n'avons plus le choix. Voilà, c'était un court extrait du livre 2030 glorieuses Utopie vivante qui est désormais disponible chez Actes Sud dans toutes les librairies. Je vais animer, organiser, participer à tout un tas de rencontres autour de ces 2030 glorieuses, notamment en librairie. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, mais aussi dans la newsletter de Ça commence par moi, les prochaines rencontres auxquelles je vous convierai, parce que ça sera vraiment l'occasion pour nous de voyager ensemble en 2030 glorieuses et de partager autour de ces sujets qui me passionnent. Et puis en attendant, forcément, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des 2030 glorieuses. Et je vous souhaite donc une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !